À toute vitesse. Certaines personnes aiment aller vite. Cet homme conduit une voiture de course. Il va vite. Il porte un casque. Cette femme conduit une moto. Elle peut aller vite. Elle va vite dans la boue. Elle porte un casque, elle aussi. Regarde cet homme. Il est en avion. Il peut voler très vite. Il porte un casque. Ce gros camion peut aller vite. Regarde les grosses roues. Le camion peut passer sur de vieilles voitures. Le conducteur porte un casque lui aussi. Ces hommes sont en bateau. C'est un bateau de course. Le bateau va très vite. Les hommes portent un casque. Ils portent aussi un gilet de sauvetage. On peut aller vite en voiture de course. On peut aller vite en moto. On peut aussi aller vite en avion ou en bateau. Regarde ces gens. Ils portent tous un casque.